dans ces heures brèves. Lentement dans mon cœur refleurit le bonheur dans cette nuit de rêve. Après Tino, on va écouter Louis Linel et ce sera Rose de Picardie. 14h15. De ses grands yeux de saphir clair, au reflet changeant de la mer, Colinette regarde la route, par les vents tressaillent, écoute, car au loin, dans le silence, monte un chant enivrant, toujours tremblante et laissant vivante, devant ce premier chant d'amour. Des roses s'ouvrent en Picardie, et c'est bon leurs arômes si doux. Les cordillères à Brigadier, ils m'enlèvent par regard. Nos chemins pourront être un jour écartés, et les roses perdront leur couleur. L'île en moins gardera pour moi sa beauté. C'est la fleur que j'enferme en mon cœur. À jamais sur l'aile du temps, depuis l'aube puis les ans, mais il lit dans ses yeux la tendresse. Ses mains n'ont que des caresses. Colinette encore voit la route qui les a rapprochés un jour. Quand monte vers son cœur en déroute, c'est une ultime chanson d'amour. Des roses s'ouvrent en Picardie et c'est moi leurs arômes si doux. Des cordillères à Brigadier, ils m'enlèvent pareil à vous. Nos chemins pourront être un jour écartés et les roses perdront leur couleur. Moi sa beauté, c'est la fleur que j'enferme en mon cœur. Et on continue avec Edith Piaf cette fois-ci. Je n'en connais pas la fin. Voilà, je n'en connais pas la fin, et c'est Edith Piaf. Depuis quelque temps, nous fredonne dans mon quartier une chanson. La musique en est monotone et les paroles fanfaisantes. Ce n'est qu'une chanson des rues dont on ne connaît pas l'auteur. Depuis que je l'ai entendue, elle chante et danse. Thank you. fut méchant pour elle. Je veux en ignorer la fin. Et pour que ma chanson soit belle, je me contente du refrain. L'intention de vous imposer le nom, évidemment, vous savez que c'est Tino Rossi, et c'était Un songe avant l'aurore. On continue, bien sûr, 14h23, 24 bientôt, à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Jean-Pierre Coustex, maintenant, Jean-Pierre Coustex, Rambla de Barcelone, un Paso Doble. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Elle vit le jour à Carrefour près de Paimpol. D'un père auvergné à d'une mère bretonne, elle est rouquine, pas folichonne. C'est à Maubeuge qu'elle rencontre au clair de lune un dingo qui arrivait de Pampelune. Il frappait dans ses mains sur tous les rythmes, criant à tue-tête, olé pour la Georgette. Dans la peau, ça lui rentre par le bas, par le haut. Java, rumba ou boléro, elle danse tout en passo. Et quand l'orchestre joue à tango, elle sort ses castagnettes, c'est rigolo. La Georgette est complètement partout, elle a le passo dans la peau. Depuis le plus tendre des âges, par monts et par vaux, je voyage de tous les moyens de transport. Bourville, à pied, à cheval et en voiture. Mais malgré mon culinaire bravache, je préfère le plancher des vaches. Ça fait bien sûr moins gentiment, moins surtout date, moins businessment. Et si quelqu'un vient me suggérer une autre façon de voyager qu'à pied, un, deux, à cheval, un, à cheval ou en voiture, je lui dis, ne vous donnez pas la peine, venez avec moi et je vous emmène à pied, un, deux, à cheval, un, à cheval ou en voiture. Naturellement, ça doit vous épater que je fasse i-an pour imiter le cheval. Mais ce sont les auteurs qui m'ont dit que c'était une chanson d'avant-garde. Et dans l'avant-garde, les chevaux, ils font i-an. Alors, il faut ce qu'il faut. Cette expression plutôt commune convient pourtant bien à ma brune. Je lui fais des déclarations en me servant de cette expression. Et le soir dans l'ombre propice, je lui fais entrevoir des délices.

Et si on dansait en Auvergne, oui, y a pas mieux pour s'éclater. Et c'est comme ça toutes les semaines, chaque jour c'est le 14 juillet. Et si on dansait en Auvergne, avec un vieil accordéon, pour jouer tous ces airs de musette qui parlent de nos bruyères et de nos amourettes. On avait 20 ans, on disait c'est bon temps, mais c'est pas fini, profitons-en. Interprète Lily Marlène. Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui, c'est dans ce coin-là que le soir on s'attendait, rempli d'espoir, tous deux, Lily Marlène, tous deux, Lily. Dans la nuit sombre, nos corps enlacés ne faisaient qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Nous échangions ingénument, jour contre jour, bien des serments, tous deux, Lily Marlène, tous deux, Lily Marlène. Le temps passe vite lorsque l'on est deux. Hélas, on se quitte, voici le couvre-feu. Te souviens-tu de nos regrets lorsqu'il fallait nous séparer? Dis-moi, Lily Marlène, dis-moi, Lily Marlène, dis-moi. La vieille lanterne s'allume toujours devant la caserne lorsque finit le jour. Mais tout me paraît étranger. Aurais-je donc beaucoup changé? Dis-moi, Lily Marlène. Dis-moi, Lily Marlène. Dis-moi. Cette tendre histoire de nos chers 20 ans chante en ma mémoire malgré les jours, les ans. Il me semble entendre ton pas et je te serre entre mes bras. Lily, Lily Marlène, Lily, Lily Marlène. Lily Marlène, Lily, Lily. lui Marlène. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Jacques Lyon, la balade de David Croquette. Qui s'appelait Davy, il était né dans le Tennessee. C'est courageux que quand il était petit, il tua un ours du premier coup de fusil. Non! Ouais! Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. À 14 ans, il s'était perdu dans un désert vaste et inconnu. Pendant 10 jours, il marcha vers le sud sans rien manger qu'un petit peu d'herbe crue. Oh, c'est pas bon! Ouais! Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais faim. Pendant la guerre contre les Indiens, il combattit tout seul contre 20. Ayant une flèche plantée dans une main, il l'arracha avec son autre main. Non. Ouais, Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais mal. Dans la forêt au cœur de l'hiver, quand il chassait les loups et les cerfs, le torse nu et les bras découverts, il s'en allait, riant des courants d'air. Achou! À vos souhaits, monsieur Crockett! Merci. Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais froid. Quand les peaux rouges demandèrent la paix, Davy serra la main qu'il tendait. Avec les chefs, il fut mal calumé, mais sans rien boire, pas même un verre de lait. Oh, bah vous prendrez bien quelque chose, monsieur Crockett. Non. Oh, bah juste un verre. Non. Eh ben vous avez tort, parce que c'est bon pour ce que vous avez. Non. Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais soif. C'était un homme qui s'appelait Davy, tout le monde ici se souvient de lui. Ah oui, je me rappelle de lui. Ah oui, c'était monsieur Crockett, il avait jamais faim, il avait jamais soif, il avait jamais peur, il avait jamais chaud, enfin il avait jamais fui d'ailleurs. Oh. Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais fui. Et on continue, pourquoi pas. On continue avec Addio Pulcinella, Aurélien et son ensemble. Comme il faisait beau et que Nîmes était belle, comme il était bleu le ciel en ce temps-là. Tu m'as entraîné de ruelle en venelle. Quel était ton nom? Je ne m'en souviens pas. Il ne m'est resté qu'un air de tarentelle, une marionnette habillée de satin. Et toi qui riais en tirant les ficelles, maintenant je sais que ce n'était qu'un jeu. Pour toi, et ce drôle de pantin, c'était moi. Comme il faisait beau et que Nîmes était belle, comme il était beau le ciel ce matin-là. Nous avons marché de ruelle en venelle, puis on s'est aimé pour la dernière fois.

bien sûr, encore une fois à l'accordéon avec Paul-François Secaldi. Il nous interprète Bon baiser de Porto. Eh bien, on continue, les 15h, 12 minutes et 30 secondes. On est ensemble jusqu'à 16h. Vous retrouverez à partir de 16h30, vous pourrez retrouver Frankie, After Job, le nom de son émission. Édouard Duleux maintenant. Édouard Duleux nous interprète Reine de Musette, un autre classique. Thank you.

rappelle les horaires et jours de mes émissions le dimanche de 13h à 15h30, accordéon de nos régions et accordéon musette, et le lundi cocktail coloré, chansons et accordéon de 14h à 16h. Continuer avec l'accordéon de Paul-François Secaldi, pardon, et ce sera une composition de Claude Barbotin et Robert Monedière, et ça s'intitule Je ne fais que passer. Écoutez maintenant, toujours en accordéon, Nicolas Grandfils, c'est pas son nom, son famille, je vous rassure. Je ne sais pas si c'est le plus grand ou si c'est le plus âgé, j'en sais rien. Je lui demanderai un jour en direct à la radio. Nicolas La Paloma. En piste pour danser le tango. tes enfants. Histoire d'un matin perdu et d'un oiseau blanc. Un jour, le bateau s'en va pour un de l'océan. Et c'est le cœur plein d'amour, une fille attend. Ma vie a dit, n'oublie pas, je t'aime. L'hiver et le printemps, elle attend quand même. Elle voit un oiseau blanc se poser. Elle aime qui porte quelques mots auprès de son aile. La paloma, adieu, adieu, c'est toi que j'aime. Ma vie s'en va, mais n'est pas trop de peine. Oh mon amour, adieu. La marche des guinguettes, maintenant toujours l'accordéon avec Jérôme Gautier. Thank you. emmène danser sur la biguine bonheur. Elle nous arrive des îles, on est au paradis des fleurs. Ici, pas de problème, c'est la vie comme on l'aime. C'est bon pour le moral et c'est tonique pour la minceur. Le ciel est bleu, blanc, rouge pour la biguine bonheur. C'est une danse magique qui fait chanter tout le monde en chœur. Quand le rythme balance, on est à Fort-de-France. On est avec les anges sur la biguine, biguine bonheur. Trop court pour gaspiller même un quart d'heure. Il faut en profiter et puis rouler, rouler, s'éclater et bouger en écoutant nos petits cœurs. Quand on saute tous ensemble sur la biguine bonheur, l'amitié nous rassemble et on est tous des frères et sœurs. Au son de cette musique, l'ambiance est électrique. Donnez-vous des petits beaux sur la biguine, biguine bonheur. Chacun son style, moi je fuis les jours gris qui défilent. J'aime mieux un ciel tout bleu bleu et danser le tabouret des îles. Quand j'aurai la chance d'aller à Tahiti, je vous emmènerai, c'est juré, c'est promis. On doit être bien là-bas sous les palmiers à regarder les belles vaïnées. Dans les magazines, on voit Bora Bora et des filles en fleurs qui vous tendent les bras. Un tel paradis, vraiment ça fait envie. Et pour cela, je fais des économies. Eh bien, on va abandonner Jérôme Gauthier. J'étais au téléphone pour pas être partout, n'est-ce pas? On va écouter pour terminer l'émission. Il est 15h45, pardon. Il nous reste un quart d'heure, même pas. On va écouter La Valse des Regrets par Georges Guettaris. Et c'est pour Daniel Dingrépo et son mari Bernard. Voilà. Et surtout, ne mangez pas les noyaux des bigorreaux, hein. C'est indigeste. C'est pire que le cornibus, comme diraient certains. Sur la célèbre valse de Brahms, sur laquelle Louis Potras a écrit un ravissant poème, voici La Valse des Regrets. L'orgue de la nuit, au clair d'allure, gémit. La brise fait de son arracher, chanter la valse des regrets. Ma belle enfant du bois dormant, quittez vos rêves troublants, vous éveillant pour un instant, et venez à moi qui vous attend. le fils du roi n'est que manant, ce n'est que moi, pauvre le passant, chantant les mois d'une prière vaine. L'ombre s'alanguit, des formes glissent sans bruit, et du passé, couple lassé, elle est souvenir. Les doigts frileux et du saule bleu dressés au ciel comme un appel au sort cruel. Rythme au vent m'appelle, loin du château, loin de l'austère repos. Venez, venez, vous qui dormez. Et voici pour vous l'instant d'aimer. Ce château-là, ce beau cœur-là, ce doux concert, passant dans l'air, ce n'est que l'air. Et de tendres souvenirs. C'est l'espoir dans le ciel noir, c'est le soleil d'un jour de réveil, c'est le réveil d'une ancienne romance, l'orgue de la nuit, au clair de lune j'ai mis toujours dans mon cœur lourd. Qui n'attend plus que votre amour. Thank you. laissé Tahiti de côté et on m'a demandé à l'instant, une charmante auditrice m'a demandé « Oh mon papa » par Jean-Marc Delorme. J'ai dit Daniel Delorme, non c'est pas Daniel Delorme. Jean-Marc Delorme à la trompette, voici donc « Oh mon papa ». Je pense que c'est ça que le désirait. Hein. Papa par Jean-Claude Delorme à la trompette et on continue encore quelques instants. Je vous laisse ensuite en compagnie de RDP en direct du Portugal pendant une demi-heure et je pense qu'après vous aurez la visite de Francky avec son émission After Job. On se retrouve nous dimanche, aura spécial actuellement et vous savez pourquoi. Dimanche 13h 15h30. Non, c'est pas 15h, c'est 13h. 13h, 15h30, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine à tous, et puis à bientôt.